Biscotte de... Biscotte de... On avait l'eau... Les premières... Et l'on reprend la lecture. Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Les malheureux épris d'une joie assommante cherchent des champignons bizarres sur les tombes. Que cherchent les gendarmes dans les jardins? Une clé. Heureux s'ils trouvent la racine d'un arbre sec qui pousse et pousse. La cuite d'hier est déjà passée. Avec la philosophie qui reste dans les placards, je vous sors quelques biscottes. Quelle revanche sur les danseurs des réveillons à la télé, que de lire les écrivains sur un écran. On peut abhorrer toute bibliothèque physique quand on a le vrai tout Paris éclairé sur sa table et que c'est instantané comme les cafés. La laitue pousse sur les fauteuils du salon et les radis. Et sur l'air des centaures, encore des triangulaires pizzas. L'homme est la pizza de la littérature mondiale. Narcisse est l'homme et la femme d'hier. Aujourd'hui, nous chantons en écho les plaintes des Narcisses devant la source pour seule centienne. L'ivresse amoureuse des narcisses est elliptique. Une truite nage au centre de son désir. La truite qui se mord la queue sous un jour de justice. Le bibliothécaire transpire. Mauvaise humeur du prophète. C'est le degré zéro de la rhétorique par lequel on commence à compter la petite monnaie. Despina, mère de Perséphonée, étend sa culotte beige à côté. Quand j'entends des hymnes nationaux, je déconnecte et pense à échapper.